بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب التوحيد للإمام محمد بن إسماعيل رحمه الله تعالى رحمة واسعا، سائلين الله المولى أن يرزقنا العلم النافع، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، مع التسديد والتوفيق. وبعد، donc on est toujours inchallah dans l'étude du livre de l'unicité de l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Et donc on s'était arrêté sur l'étude dans la dernière allocution et dans le dernier cours. On s'était arrêté sur l'étude du hadith, ce hadith qu'a mentionné l'imam al-Bukhari dans ce chapitre concernant une information liée à l'enfer. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend, et on a dit que c'était le hadith de Anas ibn Malik, qui nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'enfer ne cessera d'être rempli, et dira: y en a-t-il encore? Alors ensuite, Allah Jalla wa Ala, il est dit qu'il posera son pied, le Seigneur de l'univers, et l'enfer va se replier sur lui-même, et dira: cela suffit par ta puissance et ta générosité. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: « Il restera de la place au paradis jusqu'à ce qu'Allah crée pour lui d'autres créatures et les fasse habiter dans ce qui reste comme place dans le paradis. » Donc hier, on avait terminé sur l'étude de ce hadith. Donc on était en train d'expliquer ce hadith. Et donc on a dit que dans ce récit, il y a des enseignements qui sont importants, et justement qui sont liés avec l'étude et le thème, hein, le thème qu'on étudie dans ce chapitre, concernant Sifat al-Izzah. Et donc on voit que le prophète sallam nous enseigne lorsqu'il nous dit: وَلَا يَزَالُ يُلْقَ فِيهَا وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ فِيهَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَدَمَهُ فَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ ثم تقول قد بعزتك وكرمك ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. الحديث. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que lorsque les gens ou des gens rentreront en enfer, alors l'enfer dira: هل من مزيد, est-ce qu'il y en a encore? On avait expliqué dans l'allocution d'hier que Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimallah, dans son commentaire, il a bien expliqué le terme hel, cette particule qui dénote ici la forme interrogative. Et donc, pour bien comprendre le sens de hel min mazid, est-ce que ça serait plus un contexte négatif, ou bien ça serait vraiment l'ittalab? Pour la demande, donc, ça sous-entendrait ici l'istifham, donc al-talab. Donc, soit on avait dit c'est un contexte négatif, ou bien c'est l'ittalab, c'est pour la demande. Et Cheikh a dit le plus rationnel ou le plus plausible, hein, le plus juste, c'est de comprendre le deuxième sens, que c'est l'ittalab, pour la demande, que cet istifham, cette forme interrogative, dénote et sous-entend la demande. Donc c'est pour cela que c'est traduit de cette manière, par rapport à la compréhension, que l'enfer ensuite dit, est-ce qu'il y a encore du rajout, si vous voulez? Et là, Rabbul Alamin, le Seigneur de l'univers, le prophète Hassan nous dit, mettra son pied. Wayanzawi barduha ila bard. Et c'est là qu'il nous est dit que l'enfer se repliera sur lui-même. Si, lorsqu'on parle, on cite l'enfer au masculin, sinon en arabe, c'est sur elle-même. Le terme littéral, si on traduit littéralement, c'est sur elle-même, comme on a expliqué dans le dernier cours. Et donc, de ce fait, on a appris qu'ensuite, l'enfer dira « bi'izzatika wa karamik » par ta puissance et ta générosité. Et donc ici, on a dit que ce hadith, il y a la confirmation de la tribu de Al-Izza. Et de ce fait, l'imam al-Bukhari l'a recensé, l'a cité dans ce chapitre. Ensuite, Cheikh Al-Thaymin nous dit qu'aussi on apprend quelque chose d'important dans ce hadith, et on avait même terminé sur ça dans le dernier cours, le fait qu'il y a l'affirmation d'un attribut parmi les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est l'attribut de Al-Qadam, l'attribut d'Al-Qadam. Et Cheikh nous dit, cet attribut-là, lorsqu'il est dit dans le hadith qu'Allah ensuite, le Seigneur de l'univers, a mis son pied, donc on a l'affirmation et la confirmation de l'attribut du pied. Donc la règle concernant les attributs, c'est-à-dire la règle concernant l'affirmation et la croyance aux attributs divins, aux attributs d'Allah Jalla wa Ala, de perfection, est la même. Et elle s'applique pour tous les attributs. C'est-à-dire que l'attribut, on l'affirme avec les quatre conditions. Avec les quatre conditions qu'on a mentionnées hier, les quatre conditions qui sont « bila ta'til, wala tahrif, wala takif, wala tamthil ». Donc c'est quatre choses. On a « ta'til », on a « tahrif », on a « tamthil » ou « takif ». Donc on a quatre choses. On a la négation, la falsification, la recherche du comment et l'assimilation. Donc il faut éviter ces quatre choses. C'est pour ça qu'on dit « bila ». Il y a la négation de ces quatre choses. C'est-à-dire, on affirme l'attribut. Premièrement, « bila ta'til », sans négation. Deuxièmement, « bila tahrif », sans falsification. Que ce soit la falsification, on avait dit, du sens ou bien de l'énoncé. C'est-à-dire d'interpréter, de changer le sens, ça serait une falsification du sens, ou bien l'énoncer, c'est-à-dire rajouter ou diminuer une lettre, ou changer un mot par exemple, ça c'est la falsification de l'énoncé. C'est ça ce qu'on appelle le fait d'altérer. Troisièmement, ne pas chercher le comment, ce qu'on appelle at-takyif, bila takyif. Donc il ne faut pas chercher le comment de l'attribut, c'est-à-dire chercher la manière. La manière, celle-ci on ne la connaît pas, elle nous est inconnu. Le comment, c'est inconnu et on ne peut le concevoir. Cela n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quatrièmement, c'est-à-dire cette science-là n'appartient qu'à lui. Et quatrièmement, bila tamthil, sans assimilation, c'est-à-dire sans donner des semblables à Allah subhanahu wa ta'ala, sans faire de comparaison et sans l'avoir expliqué dans la dernière allocution. Pourquoi les savants ont insisté sur cela? Parce que plus tard, des gens émergeront dans la communauté au sein de la nation musulmane et ces textes-là leur poseront problème du fait que leur raison est limitée et du fait que leur raison ne peut pas concevoir cela. Donc, ils vont essayer de trouver une issue pour ne pas affirmer ou dire cela. Or, les savants de l'islam nous enseignent que comme ça a été dit à l'époque du prophète, sallam, et les gens à l'époque du prophète, en l'occurrence les compagnons, entendaient ces récits et entendaient ces attributs qui sont mentionnés dans ces récits qu'on est en train d'apprendre et ils les comprenaient dans leur sens apparent et littéral. Et ils ne posaient pas de questions au sujet de ces termes. Ils ne posaient pas de questions, ils ne cherchaient pas le comment, ils ne faisaient pas d'assimilation. Il ne faisait pas de négation, il ne niait pas cela et il ne cherchait pas à falsifier, aussi bien que ce soit l'essence ou bien que ce soit les énoncés. Et de ce fait, les musulmans de toutes les générations qui viendront doivent se comporter de la même manière. Lorsqu'ils sont face à des textes où il y a la mention d'attributs concernant notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, nous devons dire Sami'na wa ata'na. Nous avons entendu, nous obéissons. Donc on a entendu et on se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'il faut savoir, et c'est pour ça que lui, Cheikh Ibn Uthaymeen, va vraiment détailler cela. Et c'est sur même plusieurs pages. Donc moi, je vais vous résumer vraiment ce que dit Cheikh Ibn Uthaymeen. Pourquoi ? Parce que là, ça va être, mashallah, ça va être long. Et Cheikh Ibn Uthaymeen va vraiment insister sur cela. Et il va même exhorter et conseiller les talabat al-ilm, les étudiants en science, d'une manière particulière, et les musulmans d'une manière générale, de ne pas chercher le comment. Et vraiment là, il va s'étendre sur le sujet, il va approfondir le sujet. Et je vais vous le faire d'une manière très rapide. Pourquoi ? Parce que c'est sur plusieurs pages. Donc ceux qui sont arabophones, je vous conseille, je vous réfère, de revenir à l'explication de Cheikh Ibn Uthaymeen, sa manière, hein, comment il va l'expliquer, comment il va détailler cela, comment il va s'approfondir dans cela et le conseil qu'il va donner. Il va donner un conseil aux étudiants de manière plus particulière, comme on a dit, et aux musulmans de manière générale. Et là, il va vraiment dire que ce qui nous est venu dans les textes, ce qui nous est rapporté, il faut l'accepter comme c'est venu. Il faut y croire comme ça nous était rapporté ces textes. Et Shir, justement, dans sa longue explication, mashallah, il va vraiment, comme on a dit, hein, il va vraiment s'approfondir dans l'explication de cela. Et dans sa longue explication, donc, il va dire, par exemple, il va dire, regardez, Rasul sallallahu alayhi wa sallam yaqul yada'u rabbul alamina qadama fayanzawu ba'daha ila ba'd. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, dit qu'ensuite Allah posera son pied et mettra son pied dans l'enfer, fayanzawu ba'daha ila ba'd. Et d'une manière relative, ensuite, l'enfer se repliera sur lui-même. Dans une traduction rapprochée. Il dit donc, ça c'est le prophète sallam qui le dit. Et ce hadith, il est authentique. Il est authentifié par les plus grands spécialistes en la matière. Donc il n'y a pas de doute sur l'authenticité du hadith. Et celui qui nous rapporte, qui nous enseigne cela, c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui est infaillible, le guide de toute cette nation. Et Shir va nous dire, regardez, il dit « Wa huwa yatakallam bilisanin arabiyyin mubin » Et le prophète, sallam, ce qui est certain, ce dont il n'y a aucun doute, c'est qu'il parlait une langue arabe claire. Donc la langue arabe du prophète, sallam, elle était claire. Et pour cela, les termes sont évidents. Il y a une clarté à travers les paroles du prophète sallam. وَيُخَاطِبُ أَفْصَحَ الْعَرَبِ فِي زَمَانِهِمْ وَبَعْدَ زَمَانِهِمْ. Regardez, c'est très pertinent. Cheikh Ibn Uthaymeen ensuite nous dit, et ce qu'il faut savoir aussi, et donc il s'adressait aux Arabes les plus éloquents. Et il s'adressait aux Arabes, et à cette époque, il y avait des Arabes qui étaient très éloquents. Donc ils étaient ancrés, leur connaissance était ancrée, hein, et au sujet de la langue arabe. Donc le prophète sallam, aussi bien sa langue était claire, explicite, et aussi bien, il s'adressait aux Arabes à l'époque, et les Arabes étaient connaisseurs, étaient des grands connaisseurs justement de la langue arabe. Ça faisait partie de leur richesse. Donc, en quelque sorte, Cheikh Ibn Uthaymeen, il nous dit « Wa yukhatib afsah al-arab fi zamanihim wa ba'da zamanihim ». Donc, le prophète s'adressait aux Arabes qui étaient les plus éloquents, que ce soit à leur époque et après leur époque. Et après leur époque aussi. Donc, donc le prophète s'adressait aux compagnons qui avaient une connaissance profonde de la langue arabe, que ce soit d'une manière religieuse et que ce soit d'une manière étymologique aussi. Et de ce fait, il nous est pas rapporté, il nous a jamais été rapporté de l'un d'eux, parmi les compagnons, parmi ces gens qui entendaient ces textes, qui entendaient ces paroles, que l'un d'entre eux aurait cherché au sujet d'une certaine interprétation. Et il ne nous est pas rapporté qu'ils aient cherché à falsifier, dénaturer les textes, que ce soit, comme on a dit, dénaturer le sens, l'énoncé. Il ne nous est pas rapporté ces choses-là. Donc, aussi bien, il ne nous est pas rapporté d'eux, en d'autres termes, ni interprétation, ni falsification, wa la shay. Bal qalu sami'na wa ata'na. Mais plutôt il disait, nous avons entendu et nous obéissons. Wa saddaqna wa amanna. On y croit et on y accorde foi. Voilà la réaction des compagnons à l'époque, c'était le fait de dire Sami'na wa ta'na, nous avons entendu et nous obéissons, et Saddaqna wa ammanna, traduction native, on y croit et on y accorde foi. C'était ça la réaction des premières générations. Et ce qui incombe chaque génération de musulmans, ce qui leur incombe, c'est de suivre les générations précédentes. C'est de suivre les générations précédentes, ceux qui étaient dans le bien et dans le suivi réel du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et en l'occurrence, c'est ça le sens de notre attestation lorsqu'on témoigne et on atteste qu'il n'y a nul adoré véritable si ce n'est Allah. Et on atteste là que Mohammed est le messager d'Allah. Regardez, dans cette attestation, il y a deux attestations. Donc, dans ce témoignage-là, le premier pilier de l'islam, il comporte deux attestations. La première attestation, c'est que là, il est là, on témoigne qu'il n'y a nul adoré véritable si ce n'est Allah. Et la deuxième attestation, et on témoigne que Mohammed est véritablement le messager d'Allah. Et ça implique quoi? Les savants, lorsqu'ils expliquent la deuxième attestation, lorsqu'on témoigne, parce que c'est un témoignage, donc on informe au sujet de notre foi, de notre croyance, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Donc ça implique une soumission et un suivi. Donc on doit être soumis au texte. Et donc, on doit suivre le prophète, ça implique cela. Celui qui prétend et qui atteste et qui témoigne que Mohammed est le messager d'Allah, mais il ne suit pas les enseignements du prophète, alors cela n'est que mensonge et c'est un faux témoignage. Donc, lorsqu'on témoigne que Mohammed est le messager d'Allah, alors cela a des implications. Donc, cette attestation a des implications. Parmi les implications, c'est de savoir que celui qui mérite le suivi absolu, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ce qui contredirait les enseignements du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui contredit la tradition du prophète, ce qui contredit la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'où cela viendra-t-il? D'où cela viendra-t-il? Kainan man kan, et qui que ce soit qui nous rapporte une chose qui contredit la tradition, les enseignements du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on ne les accepterait point. Pourquoi? Parce que ce qu'on accepte, c'est ce qui nous vient du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc de qui que ce soit, tant que ce qu'on nous rapporte et ce qu'on nous enseigne est en concordance, en cohérence avec les enseignements du messager d'Allah, nous l'acceptons. Sinon, tout ce qui contredit les enseignements du messager d'Allah, nous les rejetons. On rejette tout ce qui contredit et s'oppose aux enseignements du messager d'Allah. Pourquoi? Parce que le suivi exclusif est pour le messager d'Allah, celui qui était infaillible dans la transmission du message, c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et tout le reste de la nation, eux, leur fonction est de suivre le messager d'Allah et de suivre les enseignements. Donc, Allah nous a envoyé le prophète, et le prophète nous transmet la révélation. Nous, on doit se soumettre à cela, croire en ce message, et le bon comportement, c'est de ne pas dépasser les limites et de ne pas outrepasser et transgresser ces limites-là. Et ça, il est vraiment important de toujours se remémorer ça et de se faire le rappel sur ça, parce que c'est les implications de l'attestation que Mohammed est véritablement le messager d'Allah. C'est le messager d'Allah, c'est lui qui nous a transmis la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on doit suivre tous les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ceux qui plus tard viendront et enseigneront l'islam, alors leur enseignement doit être en cohérence et en conformité avec les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À savoir que ceux qui nous ont ensuite transmis ces enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui les ont appris directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui les ont transmis, c'est la génération des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la génération des compagnons du prophète, la génération de leurs successeurs ensuite, de ceux qui les ont suivis dans le bien et la bienfaisance, et la génération d'ensuite, c'est-à-dire, comme on l'avait déjà dit dans des récits, nous est rapporté, les trois premières générations sont les meilleures des générations, sont les meilleures générations de cette nation. Et donc toutes les générations qui viendront dans le futur et plus tard doivent suivre ces générations-là qui étaient les meilleurs. Et ça, ce n'est pas notre témoignage à nous, c'est le témoignage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ensuite, nous, on témoigne de cela, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, khayrun nas qarni, les meilleurs des hommes, ce sont les hommes de ma génération, de mon siècle. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Ceux qui les suivront ensuite et ceux qui leur succéderont. C'est pour cela que ces premières générations sont les meilleures. Et de ce fait, l'imam Malik disait cette très belle parole, la fin de cette nation ne pourra jamais se réformer et s'améliorer si ce n'est avec quoi s'est réformé et amélioré les premiers de cette nation. Et ça, c'est très important. Et donc, plus tard, après l'extinction de la génération des compagnons du prophète, après l'extinction de leurs successeurs, et ainsi l'extinction de l'époque des grands imams de cette nation et de la communauté musulmane, ensuite ont émergé et sont apparues des tendances, des courants, des pensées, si vous voulez, des doctrines qui ont dévié des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des meilleures générations, c'est-à-dire des enseignements des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'on voit dans la communauté musulmane, ensuite, est apparue, par exemple, la théologie dialectique, par exemple, l'art de la spéculation. Donc, beaucoup de gens ont adhéré à la spéculation, c'est-à-dire le fait de spéculer dans les textes, le fait de, ensuite, on a même eu La communauté a été éprouvée ensuite lorsque s'est introduite et a pénétré la croyance des musulmans, la philosophie grecque. Et c'est pour ça que plus tard, il est rapporté historiquement, et c'est des faits historiques qui sont réels et véritables, que pendant l'Empire et la dynastie abbasside, plus tard, il y a eu la traduction de la philosophie grecque, cette philosophie grecque qui était célèbre à l'époque en Europe. Et par exemple, en Europe, et beaucoup de sociétés, et beaucoup de civilisations admiraient la civilisation grecque du fait que cette civilisation était régie par ce qu'ils appelaient des sagesses. Et ces sagesses-là étaient leur philosophie. C'était leur philosophie. Donc leur société, leur civilisation était régie sur cette philosophie-là, sur ces règles qu'ils appelaient une sorte de sagesse. Et de ce fait, ils étaient admirés par de nombreuses sociétés et civilisations, jusqu'à ce que cela a même été traduit en arabe. Donc ces philosophies-là, ces règles philosophiques, ces sagesses-là, sur quoi était régie la civilisation grecque, la société grecque, ensuite cela a été traduit en arabe. Lorsque les Arabes ont pris connaissance de cela, ensuite ça s'est propagé, ça s'est diffusé, et ensuite ces philosophies, ces règles de philosophie grecque ont pénétré et se sont introduites dans la croyance musulmane. C'est pour cela qu'on remarque bien que l'un des grands facteurs et l'une des grandes causes pour la propagation de la philosophie, jusqu'à ce qu'ensuite beaucoup de grandes figures seront influencées. Donc la traduction de ces livres, de ces philosophies grecques, lorsque cela a été traduit en arabe, ça a exercé une grande influence chez beaucoup d'esprits. Donc comme on l'a dit, elle a pénétré, elle s'est introduite dans la nation musulmane et islamique, et vraiment elle a exercé une grande influence. De ce fait, alors de là naquit une sorte de philosophie qu'ils ont appelée la philosophie islamique. Donc ensuite cette philosophie-là qui s'est introduite chez les musulmans et qui a pénétré la croyance et le dogme des musulmans, ensuite ils ont nommé cela la philosophie islamique. Et beaucoup de gens à l'époque ont été éprouvés avec cela. Ils ont été atteints par... C'était une grande fitna, c'était une tentation pour beaucoup. Et donc, beaucoup se sont imprégnés, ont été influencés par cela. Et donc, ils ont adhéré à cette pensée. Et donc, ils ont commencé à philosopher dans la religion. Sur des questions, il n'y avait pas de matière à philosopher. Sur des questions où on n'a pas à philosopher et à spéculer. Ce sont des questions qui étaient claires, surtout le domaine de la croyance. Les compagnons ne philosophaient pas et ne spéculaient pas sur les textes. Mais lorsque, justement, avec l'écoulement des années, avec l'écoulement des siècles, lorsque cela a pénétré les sociétés musulmanes et la nation musulmane, alors beaucoup ont été influencés, comme on a dit précédemment, et ont adhéré à cela. Donc ils ont commencé à philosopher, et de là, on a dit, naquit une sorte de philosophie qu'ils ont appelée la philosophie islamique. Sauf que nos grands savants, les savants de l'islam, nous enseignent qu'il n'y a pas de philosophie islamique. Cela n'existait pas à l'époque du prophète, et cela n'existait pas à l'époque des compagnons, et à l'époque de leurs successeurs, à l'époque des meilleures générations, ils n'ont jamais adhéré à cela. Et cela n'a jamais existé au début de la révélation. Et bien au contraire, lorsqu'on observe les différentes communautés, les communautés précédentes, on voit que lorsque ces communautés-là ont été pénétrés hein, par ces philosophies-là. Et lorsqu'ils ont adhéré à ces philosophies-là, c'est-à-dire lorsque cette philosophie s'est infiltrée, eh ben, on voit que beaucoup de ces communautés, ça a causé leur perte. Et c'est ça qui a été l'un des grands facteurs, l'une des grandes causes pour le changement, on va dire, ou bien plutôt l'altération de leurs croyances. C'est pour cela que beaucoup de communautés aussi ont dévié, parmi les communautés précédentes, du message d'origine qui leur avait été enseigné par leurs prophètes. C'est pour cela qu'on voit plus tard même, ça va être la cause du fait qu'elles vont sombrer, ces communautés précédentes, dans des formes de polythéisme. Et donc, leur croyance sera dénaturée et altérée pour cause de la pénétration de ces philosophies-là. Donc, comme on l'a dit précédemment, dans l'islam, il n'y a pas une philosophie qu'on appelle la philosophie islamique. Cela n'existait pas dans les premiers temps et n'a pas à exister dans les derniers temps. Le musulman accepte les textes et il a une approche des textes. Cette approche-là ne diffère pas de cette approche qui nous a été instituée et enseignée dans les premières générations. Et donc ça c'est important pour que le message du prophète sallam reste sur sa pureté. Il faut que le message reste et on le comprenne hein, selon sa pureté, rester sur la base et l'origine de ce savoir qui nous a été enseigné. Pourquoi? Parce que ce qui est très important, c'est que la base de l'islam, c'est la soumission. Et la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala passe d'abord par la croyance aux différentes informations, ce qu'Allah Jalla wa'ala nous a enseigné et informé. C'est ce qu'on appelle tasdiq al-khabar. Pour cela, regardez, Cheikh Al-Athaymin, il va dire لأن حقيقة الاستسلام التام لله جل وعلا تصديق الخبر. C'est ça, la réelle soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, ça passe par croire en tout ce qu'Allah Jalla wa'ala nous a informé, que ce soit par rapport aux choses qui font partie de la science de l'invisible, la science de l'inconnu, par rapport, par exemple, au jour dernier, tout ce qu'Allah Jalla wa'ala nous a informé dans son livre, concernant, par exemple, le paradis, concernant l'enfer, concernant le jour dernier et les différentes étapes que passeront les hommes dans le jour dernier, tout cela, ça fait partie de ce qu'Allah Jalla wa'ala nous a enseigné et ça fait partie des informations qu'il y a dans le Coran. La soumission à Allah passe d'abord par croire. C'est ça, le croyant, il croit en tout ce que nous a informé Allah Jalla wa'ala, tout ce qui nous est rapporté dans les textes. Donc, c'est pour ça que c'est très pertinent ce que nous dit Cheikh Al-Athaymin. Il dit « وَالْإِمْتِثَالُ الْأَمْرُ وَإِنْ جَهِلَ حِكْمَتَهُ وَإِنْ جَهِلَ حِكْمَتَهُ الْعَقْلُ لذلك الإسلام والاستسلام والاستسلام التام لله تصديق الخبر تصديق الخبر والامتثال الأمر امتثال الأمر. Donc c'est vraiment se soumettre à Allah, c'est croire en ses informations et c'est être soumis à ses ordres. وَإِنْ جَهِلَ حِكْمَتَهُ الْعَقْلُ. Regardez ce point important, ce que nous dit Cheikh Al-Athaymin, il dit même si la raison, notre raison, n'arrive pas à concevoir la sagesse, par exemple. Ou bien, même si elle ignore la sagesse. Donc, regardez. Allah Jalla wa'ala nous informe. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne. Donc, Allah Jalla wa'ala nous a ordonné et commandé. Donc, il y a des ordres qu'il faut observer. Il y a des impératifs dans la religion. Alors, parfois, comme on l'a dit dans les cours précédents, on connaît la sagesse. On arrive à concevoir la sagesse. Mais parfois, on ignore la sagesse. Premièrement, on l'ignore et parfois si on ne peut pas la concevoir, cette sagesse. La réelle et véritable soumission, être véritablement soumis, implique de se soumettre à cela et de croire à cela. Qu'on connaisse ou bien qu'on ignore la sagesse, pourquoi cela a été légiféré, qu'on en ait la connaissance ou bien qu'on l'ignore, la soumission à Allah Jalla wa'ala, notre islam, implique de se soumettre véritablement et donc d'y croire. Et donc de ne pas dénaturer ou de ne pas falsifier ou de ne pas nier les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que notre raison, sous prétexte que notre raison n'arrive pas à concevoir. Comme on l'a dit précédemment, il est normal puisque notre raison est limitée. D'autre part, regardez, il y a un élément important à prendre en considération. Lorsque, par exemple, il nous est mentionné dans les textes Allah nous informe à son sujet. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe à son sujet, au sujet de son entité, subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, au sujet de son essence. Allah nous informe au sujet de sa majesté, au sujet de sa grandeur, au sujet de sa magnificence. Et le comportement du musulman fait qu'il doit se comporter de la meilleure des manières et donc d'accepter cela et de ne pas transgresser les limites et outrepasser les limites. D'autre part, observez bien, cet attribut que nous enseigne le prophète, cet attribut dont on est en train de parler à ce moment même, cet attribut-là, regardez, les savants, il y a certains attributs, et ça c'est très important, et il faut bien garder cela à l'esprit, qu'il y a certains attributs, lorsque les attributs sont liés à l'entité même d'Allah Jalla wa Ala, Allah nous informe à son sujet, nous informe au sujet de son entité subhanahu wa ta'ala. Ça, les savants disent que c'est des attributs qu'on appelle des attributs d'information. C'est al-sifat al-khabariya. Al-sifat al-khabariya. Donc en arabe, on appelle ça, je vous le répète, hein, pour bien que ça soit compris, al-sifat al-khabariya. C'est des attributs d'information. C'est-à-dire que Allah Jalla wa Ala nous informe à son sujet, comme on l'a dit précédemment. Pourquoi on insiste bien sur cela? Et Cheikh Ibn Uthaymeen justement va insister sur cela, parce que c'est un élément très important à prendre en considération. Si on n'a pas compris cela, donc on risque d'avoir des négligences et un manque de connaissances sur le sujet. Et une manque de, si vous voulez, une mauvaise compréhension. Regardez, ces attributs-là qui sont liés à l'entité d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'Allah nous informe à son sujet, subhanahu wa ta'ala, ou bien que le prophète sallam nous informe au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces attributs-là, on les appelle des attributs d'information. D'information. Et lorsqu'on dit d'information, c'est-à-dire, regardez ce que va nous dire Cheikh ici, al-sifat min sifat al-khabariya allati la madkhala lil-aqli fiha. Donc des attributs dont la raison n'a aucune part. Il n'y a aucune part pour la raison, c'est-à-dire que la raison ne rentre pas dans cela. La madkhala lil-aqli fiha. Donc en arabe, c'est vraiment plus clair lorsqu'on dit en arabe la madkhala lil-aqli fiha. Donc là, la raison n'a pas à s'immiscer dans cela, si vous voulez. Puisque là, ce sont des informations qu'on ne pouvait s'imaginer et qu'on ne peut s'imaginer. Si Allah Jalla wa Ala nous avait pas informé à son sujet, et si le messager d'Allah nous avait pas informé au sujet d'Allah, vous n'avez pas enseigné ces attributs-là, on n'a pas à se les imaginer. Et on n'a pas à les, on va dire, à les inventer. Donc il n'y a pas de place à l'invention. On ne doit pas innover. C'est pour ça, lorsqu'on parle d'innovation, c'est vraiment le fait d'innover. Il n'y a pas de place à l'innovation et l'invention. Donc on ne peut pas inventer. Dans cela, une personne, il ne peut pas parler sur Allah et inventer. Parce que parmi les plus grands péchés, le plus grand péché, le plus grand blasphème ici, ce serait de parler sur Allah sans connaissance et d'inventer des choses au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela est strictement interdit. C'est pour ça, dans la religion, il ne faut pas parler lorsqu'on ne connaît pas. Et surtout lorsqu'on parle au sujet du créateur subhanahu wa ta'ala. C'est des sujets qui sont sensibles. Et donc celui qui parle, c'est qu'il a des textes à la pluie. C'est pour ça que la science est « قال الله وقال رسول الله ». C'est la science, c'est ce qu'Allah a dit et ce qu'a dit son messager et ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Surtout lorsqu'on parle d'information, lorsqu'on parle au sujet de l'entité même du créateur subhanahu wa ta'ala. Et là, c'est très important, apprenez-le et mémorisez-le par cœur, ce que dit Cheikh Ibn Uthaymeen. Il dit ce qu'on appelle, il y a des attributs qu'on appelle des attributs d'information. Il nous a informé. Ça nous informe au sujet d'Allah. Et bien la règle c'est la madkhala lil aqli fiha. Wa laysat ma'nawiyya hatta yudrikaha al aql. Fa hiya mujarrad al khabar, fa hiya mujarrad khabar amanna biha li thubut al khabar biha. Et là vraiment c'est très pertinent ce que dit Cheikh Ibn Uthaymeen. Je vous exhorte vraiment d'apprendre cela. Il dit de fait du fait qu'on ne peut pas inventer, qu'on ne peut pas imaginer, ce qu'on peut imaginer. Regardez ce qu'il dit. Il dit, et donc ces attributs d'information aussi, laysat ma'nawiyya hatta yudrika al-aql, c'est pas quelque chose d'abstrait. C'est pas quelque chose d'abstrait que la raison pourrait concevoir. Regardez, c'est très important ce que dit Shir. Il dit la matrala lil aql fiha wa laysat ma'nawiyya hatta yudrika al-aql fa hiya mujarrad khabar. Regardez ce qu'il va dire, et là c'est vraiment très fort, le sens est très fort, il dit, c'est juste une information. C'est juste et tout simplement une information dont il faut croire. Une information dont il faut accorder foi. Et c'est ça la croyance, tout simplement. Il nous a informé dans ces textes au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il ne faut pas s'immiscer dans cela. Et il ne faut pas inventer des choses. Il ne faut pas dire des choses qui n'ont jamais été dites. Et c'est ça qui est important pour le croyant. Il y a une information qui est dite dans les textes. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait. C'est juste une information. On doit y croire tant que l'information est sûre et elle est confirmée. C'est ça qui est important. Tant que l'information est sûre et elle est confirmée, donc on y accorde foi. Sans après rentrer dans les détails de cela. Donc regardez, le prophète Hassan nous informe au sujet d'Allah. Ensuite, on ne va pas rentrer dans les détails de cela. On ne va pas commencer à philosopher. Pourquoi ? Parce que tous ceux qui ont été touchés par cette philosophie-là, c'est parler pour rien dire. C'est ça les philosophes. C'est qu'ils parlent, mais en réalité, à la fin, il n'y a rien de concret. C'est on parle comme ça pour rien dire. Au sujet d'Allah, on n'a pas inventé. Au sujet d'Allah, on ne spécule pas. On n'est pas en bourse. On n'est pas en train de spéculer. Au sujet d'Allah, on doit accepter les informations comme elles nous sont parvenues et comme les ont acceptées les premières générations. Et de ce fait, si toutes les générations de cette nation musulmane appliquent cette règle-là et procèdent de cette manière, alors toutes les générations, malgré le temps qui s'écoule, malgré les siècles, ils seront toujours sur les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait de mourir sur les enseignements et sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça le fait d'être sauvé. Et c'est un grand mérite. Et ça fait partie des plus grandes grâces de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala qui nous guide dans le droit chemin, d'être sur le droit chemin. Ce chemin que nous a montré et enseigner le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et de ce fait, dans chaque prière, lorsqu'on récite al-Fatiha, on demande à Allah jalla wa ala de nous guider dans le droit chemin. Et le grand savant de l'islam, Cheikh l'islam Ibn Taymiyyah, il disait qu'il a observé les différentes invocations qui sont dans le Coran et dit il n'a pas trouvé une meilleure invocation, l'une des plus grandes invocations, si ce n'est d'implorer la droiture, c'est-à-dire de demander à Allah jalla wa ala qu'il nous guide dans le droit chemin. Puisque si on est dans le droit chemin, alors le croyant n'a plus de crainte à avoir, il n'est plus touché par la crainte, par la peur, par la tristesse ou l'angoisse ou autre. Il n'est plus angoissé, il sait qu'il est sur le droit chemin. Si Allah Jalla wa Ala le comble de ce bienfait, si Allah le guide dans le droit chemin, alors il est à l'abri de tout mal. Et ça, c'est important. Donc, quelles que soient les générations, quel que soit le temps qui s'écoule et qui passe, les musulmans ne doivent pas inventer. On ne doit pas inventer dans la religion. Pourquoi ? Parce que si on invente dans la religion, alors il va nous arriver ce qui est arrivé aux communautés précédentes. Et donc le fait d'innover, le fait d'inventer, le fait de faire ce qu'on appelle, ce qui est appelé dans les récits, le fait de rapporter des nouveautés, des choses qui n'existaient pas dans cette religion. Regardez, aujourd'hui, beaucoup de gens sont prisonniers des traditions. Dans beaucoup de pays, on voit, les gens n'arrivent plus à faire la distinction entre les traditions de leur pays, des traditions ancestrales, et la religion. C'est pour ça, les gens aujourd'hui, du fait que cette lumière, la science se propage, et on a dit, elle a pénétré et rentre dans les foyers, ou l'ilalham par la grâce d'Allah, on voit que beaucoup de gens, aujourd'hui, sont dans une perplexité, ils n'arrivent pas à distinguer entre tradition et religion, et la véritable religion. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tellement pris par les traditions, on leur a tellement enseigné des traditions qui en réalité sont des inventions. Ça n'existait pas dans la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans la religion de l'islam. Cette religion pure, il y a beaucoup de traditions qui se sont propagées et qui ont émergé dans les sociétés musulmanes, qui en réalité ne font pas partie de la religion. Et donc aujourd'hui, maintenant, les gens doivent distinguer. Et c'est pour ça qu'il est, il est difficile pour beaucoup de musulmans et pour beaucoup de foyers, parfois de se défaire de certaines traditions. C'est pour ça le fait de se défaire. Pourquoi ? Parce que beaucoup sont prisonniers de ces traditions-là. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Comme on a dit, ceux qui étaient baignés depuis leur plus jeune âge à la croyance, aux superstitions, aux vaudous, aux marabouts, aux sorciers, aux voyants, aux devins, tout ça, tous ceux qui sont à l'idolâtrie, par exemple, au culte des saints, au culte des morts, etc. Tous ceux qui ont été baignés depuis leur plus jeune âge et leur tendre âge dans ces traditions-là et dans ces choses qui sont complètement interdites et qui font pas partie de la religion de l'islam, et bien au contraire, elles s'opposent à la religion de l'islam. Pourquoi ? Parce que dans l'islam, comme on a dit précédemment, on ne doit pas croire en cela, on ne doit pas accorder foi au marabout, au vaudou, et adhérer à ces pratiques-là, et bien beaucoup de musulmans aujourd'hui ont du mal à se défaire. Ont du mal à se défaire et de se libérer de cette idolâtrie. On a dit, alors que l'islam est venu les libérer de toutes ces formes de servitude. Et lui-même, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a défendu et nous a mis en garde contre les nouveautés, contre ces choses nouvelles qui apparaissent dans la religion. Et ça, c'est le hadith Aïcha célèbre où elle dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, toute nouveauté est à rejeter. Toute nouveauté est à rejeter. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, al-muhdathat, c'est les nouveautés, et il dit que toutes ces nouveautés, ce sont des égarements. Et tout égarement, il mène en enfer. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Et le prophète sallam dans le hadith Aïcha célèbre, il dit celui qui rapporte une nouveauté à ce commandement dans cette religion, si vous voulez, cela est à rejeter. Il faut rejeter tout cela. Et regardez si on veut pas vivre et subir ce qu'ont subi les communautés précédentes. Pourquoi ? Parce que comme on avait mentionné, illustré cela hier par exemple, on avait dit que les communautés précédentes, par exemple, ont attiré la colère d'Allah et le mécontentement d'Allah lorsque justement ils sont sortis et ont dévié des enseignements de leurs prophètes. Et lorsqu'ils se sont opposés aux enseignements de leurs prophètes, alors qu'Allah, Jalla wa'ala, leur avait envoyé des prophètes pour les avertir, pour leur annoncer la bonne nouvelle, pour les faire revenir à l'unicité pure, pour les faire revenir à l'adoration d'Allah, pour les faire revenir à l'obéissance du Seigneur, pour les informer de cette immense récompense dans l'au-delà. Donc c'est pour ça que les prophètes, leur fonction, c'est des avertisseurs. Ils avertissent d'un châtiment prochain, mais aussi ils annoncent la bonne nouvelle d'une récompense et d'une rétribution prochaine qui est immense. Et donc, on voit que lorsque ces communautés ont refusé les enseignements et le rappel de ces prophètes, et lorsqu'ils sont sortis et ils ont dévié, ils se sont écartés justement des enseignements purs de ces prophètes, alors on voit qu'ensuite, Allah Jalla wa'ala les a châtiés ici-bas. Et ils ont été punis, comme on l'avait dit, dans la dernière allocution. Et on avait même illustré cela hier avec les Banu Israël, lorsqu'on a dit plus tard, lorsqu'ils ont dévié des enseignements du prophète Souleyman, qui était le fils du prophète Daoud, donc lui-même qui était prophète, fils de prophète. Et eux, ils étaient sur les enseignements, ça suivait les enseignements de Moussa, alayhi salam. On a dit que plus tard, après Souleyman, alors ensuite, ils ont dévié des enseignements, ils se sont écartés des enseignements des prophètes, et ensuite, une corruption qui est inimaginable, comme elle est expliquée dans les livres d'histoire, il faut y revenir, une corruption inimaginable qui s'est installée dans ces sociétés, et on a dit plus tard ensuite, ils ont été punis alors qu'ils vivaient dans la terre qu'ils considéraient sainte, la terre sainte de Beit el-Maqdis. Hein. Ensuite, on a dit cette terre a été envahie par les Babyloniens, en l'occurrence par Burtanassar, si vous voulez, c'est en arabe, c'est le nom de Nabuchodonosor. Donc on a dit en français, on dit Nabuchodonosor. En arabe, vous allez retrouver, si vous voulez revenir dans les livres et les textes en arabe, c'est Burtanassar. Et Burtanassar, ensuite, on a dit, les a envahis. Donc ensuite, la Beit al-Maqdis, Jérusalem, a été complètement détruite et dévastée, justement par les Babyloniens. Et c'est là qu'ensuite, les Banu Israël ont été emmenés en terre de Babylone, en Babylonie, si vous voulez, et ils ont été exilés là-bas. Après que la terre a été complètement, ça faisait partie du châtiment et de la colère d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et de la punition, la terre a été dévastée. Elle a été complètement détruite. Et donc, les Babyloniens ont fait vraiment des crimes. C'est vraiment tragique ce qui s'est passé, mais ça faisait partie du châtiment qui était descendu sur eux. Parce que lorsque vous lisez dans l'histoire, vraiment, c'est la corruption et le mal qui s'est propagé, c'est quelque chose vraiment d'inimaginable. Comment ils ont pu en arriver là? Alors qu'Allah, Jalla wa Ala, leur avait envoyé des prophètes pour les rappeler au bien et pour les rappeler la religion de Moussa, alayhi salam, et les prophètes se faisaient assassiner. Donc on a dit des centaines de prophètes ont été assassinés, ce qui leur a attiré la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a dit, et on avait dit hier qu'il y avait une histoire qu'on n'avait pas terminé de relater lorsqu'on avait parlé du prophète Daniel. Et cette manière dont les compagnons avaient relaté comment les compagnons l'avaient enterré pour préserver les limites du tawhid et pour obstruer tout chemin et toute voie menant vers le polythéisme. Regardez les compagnons, vraiment, ces enseignements qu'ils ont appris auprès du prophète, et vraiment, ils en étaient imprégnés. Ils en étaient imprégnés jusqu'à la, après même la mort du prophète, sans même regarder comment est-ce qu'ils préservaient les limites du tawhid. Et tant que la communauté sera sur cela, sur la préservation des limites du monothéisme et de cette religion pure que nous a enseigné le prophète, sans même, cette communauté sera toujours dans le bien. Le plus important, c'est de préserver les limites de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tant qu'on préserve le droit d'Allah, Allah préserve le droit de ses serviteurs. Et ça, c'est le travail de chaque musulman, de chaque génération en génération. Et c'est pour cela que on voit que lorsque les croyants ont toujours pratiqué et donné l'importance au monothéisme, alors ils ont toujours prospéré. Et lorsqu'on délaisse cela, c'est là qu'ensuite le chaos s'installe. Regardez, il nous est rapporté aussi, après l'histoire de Daniel, il nous a rapporté l'histoire de Uzair. Très rapidement, en quelques minutes, Uzair, il est dit que lui, à l'époque, il était pris pendant la captivité. Donc il a été emmené, alors qu'il était enfant, à Babylone. Donc il a été emmené par les Babyloniens. Après, on a dit qu'ils aient dévasté Beit al-Maqdis. Et donc, il était en captivité en Babylonie. Et plus tard, lorsqu'on a dit qu'ensuite, ils pourront revenir, plus tard, lorsqu'ils pourront revenir à Beit al-Maqdis, il est rapporté une histoire. Il est rapporté une histoire qui est immense, hein, du prophète Uzair, lorsqu'il va grandir. Et on dit le prophète, au sujet de sa prophétie, il y a une divergence chez les savants, chez les spécialistes. Certains savants considèrent que c'était un homme pieux et vertueux parmi les enfants d'Israël, min bani Israël, et d'autres savants considèrent qu'il était prophète. Donc si vous voulez, au sujet de sa prophétie, il y a une divergence. Est-ce que Uzair était un prophète ou non? Certains grands spécialistes considèrent qu'il était véritablement prophète, et Allah fait de lui un prophète. Et d'autres savants considèrent que c'était un homme pieux et c'était un homme vertueux, mais ils considèrent qu'il n'y a pas vraiment de preuves qui stipulent réellement qu'il soit prophète. El-Muhim, beaucoup de savants considèrent qu'il était prophète. Wallahu a'lam. Mais Uzair est mentionné dans le Coran. Pourquoi? Parce que dans un verset, Allah Jalla wa Ala nous dit que les enfants Banu Israël ont dit que Uzair était le fils d'Allah. Exalté soit-il. Et Allah est au-dessus de cela. Donc c'était un blasphème et un mensonge au sujet d'Allah. Et Allah réfute cela dans son livre. Pourquoi ils avaient dit cela? C'est ça qu'on va essayer de comprendre. Et il y a un deuxième verset qui fait allusion à Uzair, selon certains savants. Un deuxième verset qui nous rapporte une histoire justement de Uzair. Certains savants considèrent que ce verset, eh ben, sous-entend Uzair. Et c'est un verset qui est célèbre, c'est le verset 259 de Sourate al-Baqarah. Donc je vous exhorte de revenir à ce verset, dès que vous avez un moment, et méditer le tafsir de ce verset. Dans le tafsir de ce verset, Allah Jalla wa Ala, dans le verset, il nous dit, il va nous parler d'un homme, plus précisément d'un voyageur. Lorsqu'Allah Jalla wa Ala nous dit, « Aukalladhi marra ala qriyatin, wa hiya khawiyatun ala urushiha, qala anna yuhyi hadhihi allahu ba'da mawtiha, fa'amatahu allahu mi'ata amin thumma ba'atha. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعد يوم. قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى إلى آخر الآية. Donc on a le verset 259 de Sourate al-Baqarah. Regardez, Allah Jalla wa Ala nous parle au sujet d'un voyageur. Et Allah nous dit, dans une traduction latine du sens du verset, il dit, c'est comme ce voyageur qui, passant près d'une ville déserte et en ruine, s'interrogea. Comment Allah ferait-il pour rendre la vie à cette cité après sa mort? Eh bien, ce voyageur, certains savants, référez-vous au tafsir d'Ibn Kathir et d'autres tafsirs, certains savants ont dit que le voyageur, qui est sous-entendu ici dans ce verset, c'est Uzair. Donc certains ont dit que c'était Uzair, d'autres ont dit que c'était le Khadr, et d'autres ont prétendu que c'était Ilyas. Mais vous allez voir dans beaucoup de tafsirs, et beaucoup d'historiens, de savants, disent que c'est Uzair. Et l'histoire de Uzair, c'est une histoire qui est ajib, c'est une vraie histoire vraiment étonnante. Méditez le verset. Regardez dans ce verset, Allah Jalla Wala nous parle de ce voyageur. Donc il est dit que Uzair, parmi les spécificités qu'il avait, c'est que, vous savez, plus tard, alors que lorsqu'il y a eu la Bayt al-Maqdis qui a été dévastée par Burtanassar, le Nabuchodonosor, par les Babyloniens, si vous voulez, il est rapporté qu'ils ont brûlé toutes les Torahs. C'est pour cela que les grands moines et les grands rabbins, à l'époque, n'avaient pas mémorisé la Torah. Donc la Torah, ils ne l'avaient plus. Elle avait été brûlée, ils ne la mémorisaient pas. Et il est rapporté que lui, Uzair, lui, la connaissait et l'avait mémorisée. Donc ça fait partie des spécificités de Uzair pour bien comprendre l'histoire, ce qui va suivre. Et donc Uzair, il est dit qu'à un moment donné, alors qu'il avait, il est rapporté par les historiens, qu'il avait 40 ans. Donc ça s'est produit alors qu'il avait 40 ans. Alors il est rapporté que alors qu'il passa devant un village, comme il est dit dans le verset, et ce village, c'était un village c'était une ville déserte, et le village, il était en ruine. Le village, il était dévasté. C'était vraiment une cité en ruine. Et lorsque, comme disent les savants, Uzair passa dans ce village, il a vu la manière que cette terre, comment elle était ruinée, elle était dévastée. Il a vu la situation de cette terre. Alors il a dit, mais comment Allah pourrait-il rendre la vie à cette cité après sa mort? C'est-à-dire tellement qu'elle était dévastée, tellement qu'il n'y avait plus d'habitants, elle n'était plus peuplée. Elle était, comme Allah Jalla Wa'ala l'a décrit, khawiya. Khawiya, vraiment, khawiyatun ala urushiha. En ruine. Alors, il s'est posé la question, mais ici, les savants nous expliquent lorsqu'il dit comment est-ce qu'Allah Jalla Wa'ala pourrait lui redonner la vie, c'est pas dans le sens qu'il doute de la capacité, de la puissance d'Allah à lui redonner la vie, mais c'était tellement qu'elle était vastée et tellement qu'elle était en ruine, il s'interroge au sujet de la manière. Et ça, c'est très important. C'est au sujet de la manière qu'il s'interroge. Et donc ça, c'est un élément important. Donc lui, et regardez, les savants disent même, par rapport à cette histoire, regardez, d'autres gens qui vont passer dans une terre alors qu'ils sont en voyage, ils passent vers un village qui est en ruine, qui est dévasté, ils vont se poser d'autres questions. Et regardez là, l'affaire des gens pieux et l'affaire des prophètes, si c'est un prophète, beaucoup stipulent qu'il était prophète, c'est de regarder, toujours de s'imaginer, toujours, tout est en relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez le rappel d'Allah, il voit cette cité qui est dévastée, qui est en ruine, et lui, il se pose la question, et comment est-ce qu'Allah Jalla Wa'ala lui redonnerait vie à cette cité? Donc c'est au sujet du comment. Et regardez toujours ce rappel d'Allah, toujours leur vie, leur relation, leur vie, elle est basée sur cette relation avec leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et là, on a une histoire qu'Allah, qui est une histoire vraiment, qui est passionnante et qui est vraiment immense, du fait qu'Allah, Jalla Wa'ala, ensuite, alors que lui s'interroge sur comment est-ce qu'Allah, Jalla Wa'ala, pourrait redonner vie à cette cité, Allah, Jalla Wa'ala, va lui donner un grand signe. Allah va l'exhorter avec un grand signe. Il va redonner vie à cette cité, mais pas de la manière qu'aurait pensé Uzair, pas de cette manière-là, mais d'une manière, subhanallah, ajib, très étonnante. Allah Jalla Wa'ala nous dit dans le verset, fa'amatahu Allah mi'ata 'am, thumma ba'atha. Allah va lui donner la mort. Il est rapporté qu'ensuite Allah, il va envoyer l'ange de la mort. Donc l'ange de la mort viendra à lui et va reprendre son âme. Il va reprendre son âme. On a dit qu'à l'époque, les historiens, ils disent qu'il avait 40 ans. Donc l'ange de la mort vient, reprend son âme, Mais ça, je vous répète son âge parce que c'est important par rapport à la suite. Il reprend donc son âme et Allah, Jalla wa Ala, le fera mourir pendant une période de 100 ans. Et après 100 ans, Allah nous dit « Thumma ba'atha ». Ensuite, Allah va lui redonner la vie après 100 ans. Sauf que Allah, après qu'il l'ait fait mourir, et donc il l'a laissé ainsi pendant 100 ans, puis après qu'il va le ramener à la vie, lorsqu'il va être remis à la vie, il est dit qu'il y avait un ange. Qu'il y avait un ange. Ensuite, il a été dit à Uzair, combien de temps es-tu demeuré ainsi? Combien de temps es-tu demeuré ainsi? Donc lorsqu'ensuite il s'est réveillé après 100 ans, alors ensuite il fut interrogé, combien de temps tu es demeuré de ainsi? Alors lui, il va répondre, un jour, ou peut-être moins. Regardez, lui, pour lui, il était resté un jour, peut-être moins. Pourquoi? Parce qu'il y a un élément important à prendre en considération, il est rapporté dans l'histoire par les exégèses. Ils disent que ça s'est produit lorsqu'Allah, Jalla wa Ala, on voyait certains exégèses disent, lorsque l'ange de la mort est venu à lui, et donc lorsque il a perdu il lui a été ôté la vie pendant 100 ans, c'était au début de la journée. Et donc c'est un point important à prendre en considération, donc c'était au début de la journée. Et lorsqu'il va retrouver la vie, lorsqu'il retrouvera la vie après 100 ans, c'est en fin de journée. Et certains stipulent, précisent, juste avant le coucher du soleil. Donc on est en fin de journée. Ce qui fait que lorsqu'il se réveille, pour lui, il peut penser, ça peut laisser un penser que c'est peut-être après une sieste ou il s'est endormi. En tout cas, ça s'est produit en début de journée et il va se réveiller. Il est rapporté, regardez, c'est des éléments importants qu'ont précisé certains exégèses, en fin de journée. Donc, Qubayl, Ghurub al-Shams, juste avant le coucher du soleil. Et là, lui, pour lui, il est resté une journée ou bien moins. Ou bien moins, c'est pour cela qu'il dit cela. Comme c'est stipulé dans le verset. Et là, il lui est répondu, non, dit le Seigneur, tu es resté 100 ans inanimé. Et c'est là qu'ensuite, il y a cette information qui lui arrive, qui tombe sur lui, parce que c'est une information lourde. Imaginez-vous lorsqu'une personne lui dit, tu as dormi 100 ans. Et là, il lui est dit, tu es resté 100 ans. Et là, ensuite, il lui dit, regarde maintenant, jette un coup d'œil sur ta nourriture et sur ta boisson. Elles ne sont pas pour autant gâtées. Elles n'ont pas changé. Yarni, lam yatasanna, dans le sens, lam yatasanna, les exégèses, ils ont dit dans le sens, lam yatarayyar. Sa nourriture et sa boisson n'avaient pas changé. Alors que lui, il voyageait sur un âne. Donc lui, il était sur un âne. Alors qu'il va observer que sa nourriture n'a pas été altérée, échangé. Ensuite, on va lui dire, et observe ton âne. Or, son âne serait en ossement. Son âne, il était en ossement. Comme on peut le remarquer dans le verset. Alors, il lui fut dit ensuite, regarde aussi ton âne. Nous voulons faire de toi un signe pour le genre humain. Observe comment nous rassemblons les os de ton âne et comment nous les recouvrons de chair. Et certains exégèses disent, lorsqu'il a regardez son âne, et s'est rendu compte que l'âne n'était plus vivant, que l'âne n'était que ossement. Alors là, certains exégèses, ils disent que Allah Jalla wa Ala a redonné vie à l'âne, et donc ossement, après les ossements, c'était la chair, donc l'âne a retrouvé sa chair, a retrouvé sa vie, et Allah Jalla wa Ala a redonné la vie à l'âne devant Uzair, devant lui. Et de ce fait, c'était un signe immense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah lui dit, nous lui redonnons vie. Et cela, ça a été fait devant lui. Donc, Uzair vit devant lui, qu'Allah jalla wa ala a redonné vie à son âne. Alors, il était tellement, on pourrait dire, qu'il était édifié, tellement qu'il, lamma tabayyana, lorsque cela est apparu à ses yeux, il dit, et maintenant je sais, il dit, et je sais, il a toujours su, mais il dit, je sais qu'Allah Jalla wa Ala est capable de toute chose. Allah a le pouvoir sur tout. Lorsqu'il a vu cela de ses yeux, alors il a vu que Allah Jalla wa Ala est capable de tout. Et regardez, c'est la fin du verset, lorsqu'Allah dit qu'il dit, qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir. Et je sais qu'Allah Jalla wa Ala est capable de toute chose. Certains savants disent qu'il faut faire attention à une parole. On dit qu'Allah est capable de toute chose. Et il y en a beaucoup qui disent « Inna Allaha ala ma yasha'u qadir ». Inna Allaha ala ma yasha'u qadir. Et ça, les savants disent que ça ne se dit pas. On ne le dit pas. Certains disent « Inna Allaha ala ma yasha'u qadir ». Et certes, Allah, au sujet de ce qu'il veut et ce qu'il désire, il est capable. Il est capable. Les savants disent que cela ne se dit pas. Pourquoi ? Parce que ça voudrait dire que ce qu'Allah ne désire pas et ce qu'Allah ne veut pas, ça voudrait dire, ça sous-entend qu'Allah ne serait pas capable de ce qu'il ne veut pas. C'est pour cela, regardez cette subtilité. Ceux qui disent, et certains qui disent, « Inna Allaha ala ma yasha'u qadir », cela n'est pas véridique, n'est pas complet. Lorsqu'ils disent, certes, Allah est capable, lorsqu'il veut une chose, dans le sens « Inna Allaha ala ma yasha'u qadir », et Allah, au sujet de ce qu'il veut, il est capable, cela sous-entend qu'au sujet de ce qu'il ne veut pas, et ce qu'ils ne désirent pas, ils ne seraient pas capables. Sans ça, les savants, ils ont dit, on doit rester fidèle au texte. Et dire la chose comme elle est dit dans le verset. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Certes, Allah est capable de toute chose. Allah, il n'y a rien qui le rende impuissant. Allah est puissant et a le pouvoir sur toute chose, subhanahu wa ta'ala. C'est même en relation avec notre chapitre. Donc regardez, ensuite, il nous est dit dans l'histoire, pour terminer, il nous a dit, une fois que cela ensuite est arrivé, ensuite, Uzair prit la route. Et il dit ensuite qu'il s'en alla vers son village natal, enfin son village dans lequel il vivait, avant que cela lui arrive. Et il arriva dans son village, et il est rapporté qu'ensuite il alla vers chez lui, vers sa maison, et il frappa. Il frappa la porte, à la porte de sa maison. Et ensuite, une vieille dame, aveugle, lui répondit. Il est dit que cette vieille dame qui était aveugle, hein, et elle était aussi handicapée, elle est décrite comme cela dans l'histoire, c'était une dame aveugle et handicapée, elle avait dépassé les 100 ans. Donc elle avait vécu plus de 100 ans, certains même disent 120 ans. Et cette vieille dame, en réalité, c'était l'une des servantes, la servante qui était dans la maison de Uzair. Donc cette vieille dame, elle connaissait Uzair. Et elle avait une connaissance en Uzair. Et donc lorsqu'il frappa, elle répondit « Qui est-ce ?» Et lui, il dit « Je suis Uzair. » Et là, elle lui a dit « Mais Uzair, ce n'est pas possible. » Elle n'a pas cru en cela puisqu'elle dit « Uzair a disparu depuis longtemps, Uzair. » Uzair, il a disparu. On ne l'a plus jamais revu, Uzair. Et donc, si certains ont dit si elle avait 120 ans à cette époque, c'est-à-dire qu'à l'époque de Uzair, elle avait 20 ans. Elle avait 20 ans alors que lui, il en avait à peu près, comme on a dit, il en avait 40. Donc ensuite, elle dit, mais Uzair, lui, il était connu à l'époque qu'il avait les invocations qui étaient exaucées. Donc elle lui dit, si tu es Uzair, invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui donc, Uzair, invoqua Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'elle puisse retrouver sa vue. Et lorsqu'il a invoqué, cette vieille dame a retrouvé sa vue. Et là, elle a vu Uzair et elle a vu véritablement que c'était lui. Donc elle était stupéfaite. Elle était stupéfaite de cela que Uzair, alors qu'il avait disparu, il y a 100 ans de cela, il revint de cette manière. Alors ensuite, ils s'en allèrent dans le village pour dire aux gens que Uzair était revenu. Et les gens ne l'ont pas cru. Et je vais vous passer certains détails, puisque dans l'histoire, il y a des détails. Il y avait même des enfants, ces enfants qui étaient vivants. Il y avait des enfants, lui, qui étaient vieux à ce moment-là. Imaginez-vous, il revient 100 ans après. Ajib. Et c'est pour ça, si vous voulez des détails sur cette histoire, revenez au verset, comme on a dit, 259. De Surat al-Baqara, et vous verrez qu'il y a des détails sur cette histoire. Et al-Muhim, l'important de savoir, c'est que lorsque les gens ensuite ne l'ont pas cru, et il y avait des gens qui étaient parmi des rabbins et parmi des moines, hein, des gens savants, et qui connaissaient Uzair à l'époque, ils ont dit, si tu es véritablement Uzair, sache que à l'époque de l'arrivée de l'envahisseur Burtanassar, c'est-à-dire Nabuchodonosor, lorsqu'ils ont envahi Beit al-Maqdis et qu'ils ont tout détruit et tout a été dévasté, Ils ont brûlé toutes les Torahs. Tout a été brûlé. Donc on n'a plus la Torah. Si tu es Uzair, alors enseigne-nous la Torah. Tu as la connaissance de la Torah, puisque Uzair, c'était connu qu'il l'a mémorisée. C'était l'un des seuls, le seul qui mémorisait la Torah. Et là, Uzair, ensuite, il est rapporté qu'il leur a enseigné, qu'il leur a récité la Torah. Donc je vous l'ai fait très, très rapide. Et il nous est rapporté dans un récit, Abdallah ibn Abbas, il dit à l'époque, il avait demandé à Abdallah ibn Salam. Abdallah ibn Salam, vous a rappelé à Médine, il faisait partie des grands rabbins et des savants parmi les juifs qui étaient installés, qui habitaient à Médine. Et Abdallah ibn Abbas, il dit qu'il avait demandé à Abdallah ibn Salam. Donc Abdallah ibn Salam, ce savant juif, à l'époque, lorsqu'il a vu le prophète, ensuite il a cru au prophète. Vous savez, c'est le récit célèbre. Lorsque le prophète leur avait demandé, qu'est-ce que vous pensez de Abdallah ibn Salam, et la communauté juive à l'époque de Médine avait fait les éloges de lui, que c'était leur rabbin, que c'était un savant parmi eux et autres, parmi les éloges qu'ils lui ont fait, les compliments qu'ils ont fait. Et lorsqu'ensuite il a cru au prophète sallam et s'est converti, il est rentré dans l'islam, ensuite ils l'ont assisté et ils ont renié ce qu'ils avaient dit préalablement. Abdallah ibn Salam, même dans un de ses témoignages, il dit: lorsque j'ai regardé le visage de Mohammed, la première fois qu'il a vu le prophète sallam, il dit: lorsque j'ai regardé le visage de Mohammed, j'ai su que ce n'était pas le visage d'un menteur. Donc ça, c'était le témoignage justement de Abdallah ibn Salam, qui était auparavant juif. Et donc lui, il dit, hein, c'est une parole qui nous a rapportée de lui, la première fois qu'il a regardé, qu'il a vu le prophète, il dit: j'ai su que ce n'était pas le visage d'un menteur. Al-Muhim, Abdallah ibn Abbas, il dit qu'il avait interrogé Abdallah ibn Salam à ce sujet, au sujet de Uzair. Et maintenant, on revient au verset. Pourquoi est-ce que les enfants d'Israël disaient que Uzair était le fils d'Allah? Pourquoi ils avaient inventé cela et dit cela? Et donc, Abdallah ibn Abbas, il avait demandé à Abdallah ibn Salam, qui faisait partie des savants parmi les Banu Israël. Et Abdallah ibn Salam lui a dit, il lui a dit au sujet de leurs paroles et ce qu'ils ont prétendu, il dit: ils ont dit cela lorsqu'ils ont vu que Uzair, justement, mémorisait la Torah. Et qu'il l'avait mémorisée, qu'elle était dans sa poitrine. Ensuite, il y a une histoire aussi, là, la manière comment l'ange est venu à Uzair et cette lumière qui est rentrée dans sa poitrine. Il y a des détails dans l'exégèse, hein. Moi, je passe les passages pour qu'on termine. T'emmène vite. Et donc, il est rapporté, comme nous dit Abdallah ibn Abbas, qui lui a dit: lorsque Banu Israël, ils ont vu qu'il mémorisait la Torah et que lui pouvait la dire, il parlait, hein, il prononçait cette Torah de mémoire, il la récitait par cœur et il leur enseignait. Alors, ils ont dit: lui, il l'a mémorisé, il l'a dit, il la récite par cœur, alors que Moussa, alayhi salam, lui, Moussa, il ne l'avait pas rapporté, mémorisé, mais lui, il l'avait rapporté écrite. Donc ils avaient fait la comparaison. Ils ont dit: alors que le prophète Moussa nous a ramené la Torah écrite et non mémorisée, alors il dit: si lui, Uzair, il l'a mémorisée, il l'a dit, il la récite de mémoire, c'est que c'est le fils du Seigneur. Et de cela, ils ont inventé cela. Ça, certains savants rapportent cela et disent c'est l'une des raisons pour laquelle ils ont dit cela. Et donc après, les gens vont suivre Uzair. Et bien plus tard ensuite, le mal va se réinstaller. Et le fesed va réapparaître, la corruption va réapparaître. Et là, les Banu Israël, ils vont encore dévier des enseignements de leurs prophètes, des enseignements qui leur étaient rapportés, jusqu'à ce que viendra Zachariah, ensuite Yahya. Donc le prophète Zachariah, ça sera un descendant de Yaakoub. Donc il sera Zachariah qui est célèbre, hein. Zachariah et son fils Yahya. Donc ça sera des descendants de Yaakoub. C'est pour cela qu'il est dit que Uzair, lui, il est venu entre l'époque de Suleyman et son père Daoud, les deux prophètes, Suleyman, Daoud ou Suleyman, et l'époque de Zachariah ou Yahya. Zachariah ou Yahya. Il est venu entre ces époques-là. Et donc ensuite, la corruption va se réinstaller, le mal va se réinstaller. Regardez, ça, c'est un rappel qu'on fait lorsqu'on dévie des enseignements des messagers et des prophètes. C'est pour ça que les musulmans doivent toujours rester attachés aux enseignements de leurs prophètes, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toujours rester attaché à ses enseignements et ne pas dévier de ce monothéisme pur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. C'est ça la clé de la réussite, la clé du triomphe, la clé du succès, aussi bien dans cette vie d'ici-bas que dans l'au-delà. Si la personne veut connaître le succès ici-bas et dans l'au-delà, il doit s'attacher aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans dévier d'un empan. Mais vraiment s'attacher sans dévier de ces enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus tard, regardez encore, regardez la bêtise humaine, hein. Jusqu'à où elle mène, lorsque plus tard, Allah Jalla wa Ala leur enverra Zakariya, ils tueront Zakariya. Ils vont tuer le prophète Zakariya. Ensuite, il y aura son fils Yahya, ils tueront son fils Yahya. Et là, les savants, hein, spécialistes de l'histoire des prophètes, les exégèses, ils disent que l'époque de Zakariya et de Yahya, elle était proche. C'est l'époque qui est très proche, hein. C'est l'époque de Issa. Ensuite viendra Issa. Et de là, donc il y aura Mariam et Issa. Puisque Mariam, c'est l'époque, la mère de Issa, c'est l'époque de Zakariya. Puisque Zakariya, ensuite, il va être garant de s'occuper de, il va s'occuper de Mariam. Et plus tard, ils vont tuer Issa aussi. Enfin, eux pensent qu'ils ont tué Issa, mais en réalité, dans notre croyance à nous, Allah Jalla wa Ala nous dit dans le Coran qu'il l'a élevé vers lui. Donc Issa, en réalité, véritablement, n'a pas été tué, mais Allah Jalla wa Ala a élevé son âme. Et Issa reviendra. Et ça fait partie des signes de la fin des temps. Avant la fin des temps, Issa redescendra. Le prophète Issa, alayhi salam, que la paix soit sur lui et sur tous les autres prophètes. Donc regardez ce qui s'est produit ensuite. Et ça, c'est des raisons pour lesquelles certains ont couru la colère d'Allah. Subhanahu wa ta'ala, wallahu a'lam, wa billahi tawfiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanahu wa ta'ala.